qui arrête de briller. Je m'endors sous la chaleur pesante. Mes rêves sont si légers, je ne fais qu'oublier. Ton visage n'est qu'un leurre, je pense. Donc je suis désir et désir, idée, hérésie, refus et naufrage. Une vie difficile, pêle-mêle les missiles, pèlerinage inutile, pénible édifice, un pellicule de vieux films, embelli de visage, écume et rivage. L'océan me visite, message et missive, messie et mirage, attente et cirage, orage et grêle. Où est donc ton visage? Comme une étoile qui arrête de briller, je m'endors sous la chaleur pesante. Mes rêves sont si légers, je ne fais qu'oublier. Ton visage n'est qu'un leurre, je pense. Donc je suis. Quand les villes s'endorment, les inconscients s'éveillent. Sensible au décor sur cette plage, il me semble que mes pieds poussent le sable et mon corps l'encens. Misérable, indésirable, des images impérissables. Si la hauteur a l'air minable, la chute est interminable. Un rôle passif ou actif, j'ai ignoré les plus violents si souvent. J'ai égaré les négatifs. Si le désir est autonome, sa nudité l'étonne comme un platane, déshabillé par l'automne. Mon sommeil s'excite couvert d'un drap de satin, troublant qu'à ses visites la lumière s'éteint. Seul son regard m'atteint, je me rappelle si elle existe. Car comme chaque matin, ma mémoire est laxiste. La nuit veille sur nous, la lune s'informe et à mon réveil, mes souvenirs s'endorment. Do I feel like a child?